Vous pouvez tourner ensemble dans l'Épître aux Corinthiens. Ce matin, nous allons commencer notre étude sur l'Épître aux Corinthiens. On en a pour une petite secousse, vous pouvez vous imaginer. Et je ne sais pas si le Seigneur va diriger pour qu'on puisse faire la deuxième Épître aux Corinthiens après, mais pour le moment, on va faire un. Comment c'est ça? Et on n'a probablement pas fini avant l'été. Peut-être qu'on va finir avant l'été, j'espère. Et que peut-être après, à l'automne, faire la deuxième épître aux Corinthiens. C'est encourageant de voir comment l'Église va réagir à la première lettre. Et quelle est la différence entre la première lettre et la deuxième lettre. Et c'est intéressant de voir cela. Pour commencer cela, il faut ce matin, avant d'aller voir quelqu'un et de le reprendre face à un péché dans sa vie, avant d'aller le voir et de lui dire ce qu'il fait n'est pas correct, qu'il soit chrétien ou non chrétien, il faut se souvenir de certaines vérités. Ici, on va parler pour nous en tant que croyants, parce que l'Épître aux Corinthiens s'adresse à des croyants, à l'Église. Comment est-ce que vous iriez reprendre un frère ou une sœur qui couche avec son beau-père? Ouf! On ne l'aimera pas. Et cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone encore que dans son église, il y a des disputes face au leadership. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on aide ces gens-là? Parce que l'apôtre Paul va avoir à dealer avec ça. On va voir ça chapitre 1, 2, 3. Il y a des querelles dans l'église de Corinthe. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Jésus-Christ. Et là, ils s'ostinent savoir lequel a le meilleur leader dans l'église. Lequel est le meilleur pasteur de l'Église. Vous êtes chanceux, il y en a un ici, fait que vous n'avez pas de troupe. Peut-être que vous dites, là, on aimerait en avoir un deuxième, ça serait mieux. Mais j'ai vécu ça à l'Annonciation. On était 4-5 qui enseignaient. J'ai vécu ça. Des comparaisons entre les enseignants, entre les dirigeants. Et vous savez, ça ne fait pas juste l'Annonciation, je l'ai vécu dans toutes les églises que je suis passé, lorsqu'il y avait plus qu'un leader, il y avait toujours des discussions à ce sujet-là. L'Église aux Corinthiens était tellement rendue basse que l'apôtre Paul leur dit, vous faites des péchés que même les non-chrétiens ne font pas. Peut-être un jour, tu vas voir un chrétien qui fait des péchés que les inconvertis ne font pas. Et quelle est ta tendance? Quelle est ma tendance? Quelle est mon approche pour aider ce frère ou cette sœur-là? Il était rendu tellement bas que quand il se réunissait le dimanche, il sortait d'église, puis il était rentré. Il dit, vos réunions, vous allez à des réunions évangéliques, chrétiennes, et vous sortez de là, puis que quand vous êtes rentré. Moi, ma réaction, c'était, restez chez vous. Restons chez nous quand c'est rendu là. Hein? Allons pas à l'église pour devenir pire. Chrétien, quelle serait votre approche? Et la plupart du temps, notre approche n'est pas la meilleure. On est condamné. On juge. Et c'est ça que je me suis efforcé à dire à la personne qui m'a appelé cette semaine. Je t'écoute, mais j'ai vraiment l'impression que tu penses que tu es meilleur que la personne dont tu parles. Tu as vraiment l'impression que ta vie chrétienne est meilleure que la sienne. Et c'est pour ça que tu la condamnes. C'est pour ça que tu la juges, la critiques et tu l'accuses. L'apôtre Paul ici va devoir reprendre l'Église qui est toujours appelée la pire Église du Nouveau Testament. L'apôtre Paul va avoir à parler avec des gens qui sont devenus tellement loin ou tellement croches dans leur vie chrétienne, aux yeux de ce que nous, on la lit. Il faut qu'ils la reprennent, il faut qu'ils leur parlent. Puis il va leur dire une place, j'aimerais bien être là, mais soyez contents que je ne sois pas là. Une place, il dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec un bâton? Quand mon père prenait son bâton, c'était jamais un bon signe. Il y avait une église qui avait besoin d'être reprise. Et chacun de nous, on a besoin aussi d'être repris. Dans nos maisons, par nos femmes, par nos maris, par nos enfants, on a besoin de reprendre nos enfants. Si on n'a pas la bonne attitude, nous brisons plus que nous réparons. Combien de fois je me suis assis avec mon épouse pour régler un problème, quand on avait fini de discuter, on était pire que quand on avait commencé. Ça vous avez jamais arrivé, vous autres je le sais, mais moi ça m'est arrivé à quelques reprises. Le fossé était pire, était plus creux qu'au début. Parce qu'on approchait l'autre pas de la bonne façon. On voulait prouver que l'autre avait tort, que c'était sa faute, que si elle changerait, ça irait mieux. Vous n'avez pas fait ça, vous autres, mais moi je l'ai fait. Et on va voir ce matin dans les premiers versets de l'Épître aux Corinthiens, comment Paul commence son épître afin de préparer le cœur des Corinthiens à recevoir ce qu'il voudrait bien leur dire. C'est vraiment intéressant de penser ça. Parce que si vous ne connaissez pas l'Épître aux Corinthiens du tout, si vous étiez un nouveau croyant, je prendrais les 9 versets, hein, et j'enlève le titre au-dessus, puis je vous mets ça sur une feuille blanche, puis je dis, lis ça, et dis-moi quelle sorte d'église que c'est cela, vous diriez, comme je me suis dit la première fois que j'ai lu l'Épître aux Corinthiens, ça, c'est une bonne église! Puis plus je lisais, plus je trouvais que c'était une église de bofons. Mais Paul va parler à ces gens-là comme s'ils étaient quasiment le top des chrétiens. C'est intéressant, hein? Et ce n'est pas notre approche d'habitude. Et peut-être qu'il faut apprendre de l'apôtre Paul, mais on sait bien que derrière Paul, c'est Dieu qui est là, c'est Jésus qui est là, notre Sauveur qui est là, qui est en train de nous dire comment on devait s'entraider mutuellement, aller de l'avant malgré les péchés que nous faisons dans notre vie. Parce que Dieu seul sait combien nous en avons fait cette semaine, mais en même temps, combien de fois nous avons dit des choses qui ont détruit les autres au lieu de les aider. Parce que nous avons oublié ces vérités-là. Dans le verset 1, si vous voulez bien y tourner, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Ça, c'est les deux auteurs. Paul a embarqué Sosthène dans comme la lettre venait de lui, mais tout au long, on a l'impression que c'est Paul qui parle. Pourquoi est-ce que Paul embarque Sosthène avec lui? On va voir ceux qui étaient là la semaine passée, au mercredi, on étudiait les Actes des Apôtres, on étudiait Paul commençait l'Église de Corinthe, et Sosthène était le chef de la synagogue. Et Sosthène va se convertir et va devenir le chef de l'Église. Et Sosthène est probablement le plus vieux des chrétiens qui s'est converti à Corinthe. Et vu qu'il était le chef, il avait déjà des capacités de leader, il avait déjà une espèce d'autorité envers ceux qui se sont convertis avec lui, parce qu'il y a d'autres juifs qui se sont convertis, d'autres non-juifs, qui étaient des prosélytes, qui se sont aussi convertis. Donc, ces gens-là avaient déjà Sosthène comme leader en tant que non-croyant, et c'était naturel de pour son côté, il est devenu leur chef aussi dans l'Église. C'est intéressant de s'arrêter, de regarder que les dons que nous avons en tant que chrétiens, souvent sont jumelés avec les dons que nous avions avant d'être chrétiens. Ça ne peut pas être toujours une grosse écart. Hein. Donc, on a un apôtre comme auteur. Le mot apôtre veut dire envoyé. Hein? Un envoyé. On va voir tout à l'heure un peu plus bas ces vérités-là. Mais Sosthène est un juif qui était chef de la synagogue. Les destinataires, on va lire un petit peu les autres versets, à l'Église de Dieu Oups, je vais mettre la chose. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ par le Seigneur est le nôtre. Donc, à qui est-ce que ça s'adresse? À l'Église. J'aimerais que vous vous souveniez que la Bible a été écrite pour l'Église. Elle n'a pas été écrite pour les inconvertis, la Bible. Elle a été écrite pour l'Église, la Bible. C'est pour ça que vous allez trouver tellement d'inconvertis qui ne comprennent absolument rien à la Bible. C'est pour ça que vous trouvez un l'unique avec Philippe dans les Actes des Apôtres. Comment tu veux que je convienne si personne ne m'explique? Je suis surpris des fois comment est-ce que nous sommes pressés de vouloir donner des Bibles aux inconvertis quand les chrétiens la lisent si peu. Les chrétiens la lisent si peu, mais on veut tout le temps donner aux inconvertis. Et on pense qu'ils vont comprendre tout seul. Je vous encourage, quand vous donnez une Bible, essayez de faire un suivi. Parce que probablement, si vous le laissez aller tout seul, il va arrêter de la lire, ce ne sera pas long. Parce qu'il ne comprendra pas. Parce que ça n'a pas été écrit pour lui. Ça a été écrit pour des croyants. Fait que les croyants la mettent en pratique dans leur vie, et eux autres vont la partager avec les inconvertis. Mais je ne peux pas me soustraire à mon mandat. Mais souvent, j'ai vu des chrétiens qui pensaient avoir fait leur mandat en donnant des bibles et des pamphlets aux gens, parce qu'ils ont l'impression là, qu'ils ont fait l'évangélisation. Je dis non, tu n'as pas fait l'évangélisation encore. Parce que ton rôle, c'est de toi partager l'évangile avec les gens. C'est pas de leur donner un bout de papier que ton rôle. C'est toi qui vas leur expliquer ça. C'est toi qui vas leur donner ça. Ils vont leur expliquer ça. En leur donnant, il faut que tu leur dises quelque chose. Afin qu'ils les aident à comprendre ce livre qui n'a pas été écrit pour eux autres. C'est pour ça que vous allez voir des millions et des millions et des millions et des millions de gens qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Il y a des Bibles dans tous les hôtels, dans toutes les prisons, dans toutes les écoles, à cause des Gédéons. Et on entend rarement parler que quelqu'un s'est converti. Et j'ai souvent entendu parler de gens qui l'ont lu et qui n'ont rien compris. C'est plein de paraboles, on ne comprend rien, puis ils ont arrêté de la lire. Parce que ce n'est pas été écrit pour eux autres. Je ne dis pas de pardonner, là. Mais soyons sages, hein, et que comprenons bien que ce n'est pas pour eux autres qui a été écrit premièrement, mais pour nous autres, pour que nos vies, nous autres, en tant que chrétiens, fonctionnent en diapason avec le Seigneur. Et là, en tant que chrétiens, qu'on puisse partager notre foi avec les inconvertis. Et pourtant, l'eunuque avait la même Bible, mais après que Philippe est arrivé, il a compris. Parce qu'il fallait quelqu'un pour l'aider à comprendre, et ce quelqu'un-là, c'est les gens de l'Église. Donc, c'est écrit à l'Église. L'arrière-plan à ces gens-là, il faut comprendre que l'arrière-plan des Corinthiens, les Corinthiens, c'était la ville, c'était une ville portuaire, c'est-à-dire que c'était un port de mer, et en tant que port de mer, c'était une ville de débauche, une ville très corrompue, mais très corrompue. Et on va voir qu'on va aller plus loin, que dans l'Église, Paul va dire, il y en avait parmi vous qui étaient des homosexuels, qui étaient des efféminés, il y avait des gens qui étaient des voleurs, il y avait des gens qui... Il y avait toutes sortes de monde dans cette ville-là, comme il y en a à Mont-Tremblant, comme il y en a à Val-d'Or, ou comme il y en a à Montréal. C'était une ville de débauche. Mais c'était une ville qui était, qu'on aurait évalué, nous autres, une ville pire que d'autres. Pire que d'autres. C'est des gens qui, à l'évaluation du monde dans lequel nous vivons, on aurait dit que c'est une gang de débauchés, une gang de perdus dans cette ville-là. Mais on va voir que dans l'Église, on va avoir les deux sortes, hein, comme dans toutes les églises. Vous avez Sosthène, ce qu'on a vu, qui était un homme très, très religieux, hein, un juif, très, très religieux, chef de la synagogue. Et vous avez la putain du coin qui s'est convertie. Les deux sont là. Le voleur, l'homosexuel sont ensemble. Et ça, mon gantier, ça, c'est juste une bonne place pour créer des conflits. Et vous allez en avoir des conflits dans l'Église de Corinthe. Des gens très religieux qui viennent au Seigneur, hein, et qui pensent que leur vie, des fois, sont meilleures que ceux qui sont les gens drogués, les cheveux verts sur la tête, avec les pointes, là, et les parsites partout. Puis là, on dit, oh, eux autres ont une vie terrible. Mais ces gens-là, ça vient de s'asseoir un côté de l'autre le dimanche matin, et ils doivent travailler ensemble pour le Seigneur. Et je vous garantis que c'est pas évident. C'est pas évident. Il doit y avoir des choses qui se passent dans leur vie pour éviter les conflits. Et beaucoup de nos conflits dans les églises ne viennent pas de la doctrine. Ils viennent de nos arrière-plans. Parce qu'on n'est pas capable de vivre ensemble. Moi, je fais 30 ans que je suis avec la même femme, puis on a encore des conflits. Parce que notre arrière-plan est différent. Pourtant, notre arrière-plan, on me semble, ça fait longtemps qu'il est passé. Elle avait 20 ans, j'avais 22. Ah, 19 ans, moi j'avais 22. Mais on a été élevés les premières 20 ans de notre vie dans des contextes beaucoup différents. Et ça a amené un paquet de conflits dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est pas le même que ça faisait ça. Pas de même ma mère faisait ça. Pas de même mon père devait dire ça. Hey, ben, on ne dépense pas comme ça. On n'achète pas ça, c'est bien trop cher. On va acheter moins cher. Là. C'est tout ça, ça vient de notre personnalité, de nos arrière-plans familiales. Là, on chicane avec ça. Là. Moi, j'aime mieux vivre en campagne. Non, moi, j'aime mieux vivre en ville. Puis là, c'est la bataille. C'est la bataille. Il y a juste une chose qui va mettre la paix. Des fois, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de paix non plus. Il y a juste en dedans, ça gruge en dedans. Et à un moment donné, pff, une bouteille de champagne, puis ça explose, pouf! Je te dis, oh, ça m'en va. J'ai vu des fans de pasteur, dernièrement, j'ai entendu ça, là. Un pasteur dans le coin de Gatineau. Un homme fonctionnait bien, moi, je faisais plus voir avec sa femme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, il est pasteur-là? Et sa femme est partie. Elle s'est levée à ma tête, elle a dit, c'est fini, m'en va, bye. Le bouchon de champagne, pouf! Tu as regardé ces gens-là, tu as dit, oh, pas de chicane, pas de chicane. Ça va bien, leur folie. Après, c'était tout à l'intérieur, c'était en train de gruger à l'intérieur. Et ça ne parlait pas. Parce qu'on oublie certains principes de biblique qui devraient être là pour nous aider à vivre ensemble. Malgré, une fois, je me souviens d'avoir entendu une histoire d'un pasteur qui disait qu'il voyait assis un contre l'autre dans l'église le juge qui avait condamné le bandit qui était assis à côté de lui. Dans la même église. Le juge avait un jour jugé cet homme-là, l'a envoyé en prison. Après ça, cet homme-là a accepté le Seigneur, il est venu à l'église, il était assis à un côté de l'autre. Et le pasteur a dit, il a demandé au juge, puis comment tu te sens? Ah, il dit, ça n'a pas été facile. Pas été facile. Pour se rappeler certains principes. Que le gars qui était assis à côté de moi, c'est quelqu'un que j'ai condamné pour toutes sortes de méfaits dans la vie des gens. Et on appelait ça un bandit, il fallait le mettre à l'écart des autres. On l'a enfermé pendant 15 ans, parce qu'il était trop dangereux de la société. Et tout d'un coup, il était sûr que tu es tout dans l'église. Il côtoie tes enfants, il côtoie tes filles, il côtoie tes... Là, toi, tu es là, t'as peur. J'ai vécu ça, puis à un moment donné, j'ai entendu dire qu'un homme, dans l'église, était quelqu'un qui avait été mis en prison à cause qu'il avait abusé sexuellement de certains petits-enfants. Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il était à poignard, il travaillait à poignard avec les enfants. Et aïe, mon François, il se met à réagir tout de suite. Hein. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Étais-tu pire que moi? Mais ce que je fais, là, pour vivre avec cet homme-là, maintenant qu'il est dans l'église, converti. Hein, pas évident, hein? J'ai vu un homme un jour avec qui était homosexuel, s'était converti, puis du coup, il avait le bras sur l'épaule de mon gars. Et là, il y a des sortes de petites pensées qui te viennent dans ta tête. Comment tu vis avec ça dans l'église? Hein? Vas-tu lui dire, toi, là, ôte ta main sur l'épaule de mon gars. Comment est-ce qu'on fait ça? Dans l'Église de Corinthe, c'est comme ça. Et si on ne comprend pas ça, on a de la misère à comprendre ces gens-là dans l'Église de Corinthe. Puis là, on dit, non, mon ami, c'est une méchante Église. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Sont-tu chrétien, ce monde-là? Parce qu'on oublie que nous, on est pareil, souvent. On oublie qu'on est pareil, puis là, on condamne les autres. Et il ne faut pas oublier que les gens à qui Paul va écrire, ils ont entendu des choses. Ils ont reçu une lettre des gens de Chloé. On va voir ça un peu plus loin. Ils ont reçu une lettre des gens de Chloé qui leur disait qu'est-ce qui se passait. Et je ne crois pas qu'il est en train de faire de la médisance, mais il est en train de dire, d'appeler Paul à l'aide. Viens nous aider. Viens aider l'Église, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, ça va sauter au plafond. C'est déjà sauté, mais ça va éclater. L'Église doit arrêter. Viens nous aider. Paul, il ne peut pas aller tout de suite, il ne peut pas aller deux fois parce qu'il va écrire deux fois. ne peut pas y aller tout de suite. De vive voix. Il va y aller une bonne fois, mais pas pour le moment, pas tout de suite. Et ça, c'est la raison. C'est la raison pourquoi l'Épître a été écrit. Paul a reçu d'informations. Vous autres, vous en entendez des choses? Vous entendez des chrétiens qui vont vous dire des choses d'un autre? Lui, il a fait ci, elle a fait ça, lui, il fait pas ci, lui, il est comme ci. Vous allez l'entendre. Si vous n'entendez pas, vous êtes déjà mort, vous êtes au ciel. On entend tout le temps de ça. On ne voudrait pas l'entendre, mais on entend pareil. Des fois, c'est nous autres qui coupons, c'est nous autres qui le disons à d'autres. Paul avait entendu quelque chose. Et il veut les aider. Paul avait entendu tout ça. Et moi, je me sens un petit peu comme Paul pouvait se sentir. Parce que moi, j'étais un fondateur d'église, un peu comme Paul. Et quand je reçois des nouvelles, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, des gens qui m'écrivent des emails, là, ils me parlent des églises avec lesquelles j'ai travaillé. Et quand ça va tout croche, ça me fait mal. Ça me fait mal. Une fois, j'étais appelé dans une église à Val d'Or. Et je devais aller m'asseoir avec le conseil, parce que le conseil était en train de faire trop frais par rapport à quelque chose. Ils m'ont demandé de revenir à l'église, m'asseoir avec eux autres, de les aider à sortir ça. Mais juste le fait qu'ils m'aient appelé, ça me faisait mal de voir que ça ne marchait pas. Et il fallut que je m'assise avant de monter, parce que j'aurais pu partir avec mon bâton. Moi aussi, comme l'apôtre Paul. Mais Seigneur, il ne faut pas que tu partes avec un bâton. C'est assez rare que les choses vont rentrer par en bas. Ça rentre bien plus par en haut que par en bas. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est que l'apôtre Paul va, avant de commencer à leur parler de tous leurs problèmes, il va leur rappeler que tout a commencé sous la grâce de Dieu. Il va leur parler de la grâce de Dieu. Il va leur rappeler que tout ce qui est arrivé dans leur vie jusqu'à date, c'est à cause de la grâce de Dieu. Il va leur dire que Dieu les aime parce qu'ils sont sous la grâce de Dieu. Et nous autres, il va falloir voir ça ensemble, que si on veut aller voir quelqu'un pour lui faire un reproche de quelqu'un, il va falloir se rappeler que nous, on est des graciés et que l'autre est un gracié. Si on oublie ça, on va arriver comme ça sur la personne, on va dire « boum » et il va juste s'éloigner un petit peu plus de nous autres. Est-ce qu'on va parler avec arrogance, avec orgueil, en oubliant que nous autres aussi, on est des graciés. Nous autres aussi, on est des pardonnés. Nous autres aussi, on vit sous la grâce. C'est pas juste l'autre qui vit sous la grâce, nous autres aussi. Il y a un homme un jour qui m'avait dit « Ne coupe pas les ponts sur lesquels que tu dois toi-même passer. » Ne coupe pas les ponts sur lequel toi, tu dois passer aussi. Appelez ça le pont de la grâce, le pont de la miséricorde, le pont de la compassion. Dis-toi aussi, tu vas en avoir des besoins, donc coupe pas les cordes parce que tu vas venir pour passer à ton tour et tu vas te planter. Parce que vous savez, la façon qu'on va juger les autres, quand ça va être notre tour, ça va être pas mal possible qu'ils vont nous juger de la même façon qu'on les a jugés. Si vous êtes des chialeux ou des critiqueux, vous critiquez les gens. Mais quand ça va être votre tour de faire du mal, ils vont vous chialer, ils vont vous critiquer à votre tour. C'est comme ça que ça marche, hein? Le proverbe dit, le fer aiguise le fer. C'est-à-dire qu'il va nous être fait selon ce qu'on a fait, à moins que l'autre personne soit vraiment plus mature que vous et qu'il vous fasse du bien en retour. Mais habituellement, François, là, si tu me donnes une claque, j'ai l'habitude d'avoir un réflexe. Je sais pas pourquoi. Il ne faudra pas que je le fasse, mais j'ai l'habitude de faire ça tout de suite après, parce que tu m'as donné une claque aussi. C'est la tendance que j'ai. Et quand tu lèves le pied, j'ai tendance à vouloir lever le pied avant toi, pour que tu me fasses mal. Mais c'est la tendance humaine, ça. La tendance spirituelle, ça ne devrait pas être de mal, mais c'est notre tendance humaine qui est comme ça. Parce qu'on oublie qu'on est des graciés. Et on juge les autres. Et tu es bien mal placé pour juger quelqu'un qui est en prison, quand toi-même, tu es en prison. Hein? De t'en rappeler. Une espèce de malade, t'étais 10 ans en prison. Et toi, t'as été 10 ans aussi. Pourquoi tu chiales après moi, là? Pourquoi? Hein? On serait bien mal placé pour faire ça. Donc, la première chose qu'il va dire, que c'est par la grâce, hein, c'est par la grâce qu'ils sont devenus le peuple de Dieu. La première chose qu'il va dire, c'est que vous êtes devenus le peuple de Dieu à cause de sa grâce. Donc, si c'est par sa grâce que vous êtes devenu le peuple de Dieu, vous êtes encore le peuple de Dieu sous sa grâce. Vous n'avez pas maintenant mérité d'être le peuple de Dieu. Vous êtes entré dans le peuple à cause de sa grâce, et donc vous pouvez continuer maintenant d'être son peuple sous sa grâce. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour rester dans le peuple de Dieu, parce que je n'ai rien fait pour y rentrer. Verset 1, on recommence au verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Premièrement, il dit, c'est qui a envoyé Paul vers les Corinthiens? C'est qui? Dans le texte-là. C'est par la volonté de Dieu. Ce n'est pas vous qui êtes allé vers Dieu, c'est Dieu qui est allé vers vous. Ah, que j'aime ça, ces petits bottes-là. Ça nous enlève toute possibilité de se glorifier. Et c'est pas vous qui êtes allé vers Dieu. Nul ne cherche Dieu, la Bible dit. Personne ne cherche Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé vers vous Paul, serviteur de Jésus-Christ. Envoyé par Jésus, par la volonté de Dieu. Donc, les deux sont impliqués. Dieu a voulu que Jésus envoie Paul aux Corinthiens. Ce n'est pas les Corinthiens qui priaient, « Oh, envoie-nous quelqu'un, on va être sauvés, Seigneur, envoie-nous. » Ça ne marche pas comme ça. C'est qu'il était envoyé. Et quand j'ai lu ça cette semaine, je n'ai pas pu faire autrement que dire merci au Seigneur pour mon frère Denis, que Dieu m'a envoyé chez moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Je me rappeler. Moi aussi, il y a quelqu'un qui est venu chez nous. Moi, j'étais un pauvre athée dans le fond d'un rang qui maudissait Dieu tous les matins. Et Dieu a envoyé quelqu'un chez nous par pure grâce, par pure grâce. Dieu aurait bien souvent dit, on va mettre une grosse clôture de 100 pieds tout le tour de sa ferme, et jamais un chrétien va rentrer là. Je ne veux pas qu'il soit sauvé, il ne va jamais envoyer un chrétien. Si Dieu aurait pu faire ça, ça aurait été justice. Il n'aurait même pas pu chialer et dire, hey, je ne méritais pas ça. Mais je méritais pire que ça. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé quelqu'un chez nous. C'est mon frère pour moi. Pour qu'il me parle de l'évangile de Jésus-Christ. Pour qu'il me parle de sa grâce, de son amour, de son pardon. Vous savez, après ça, à chaque fois que je me souviens de ça, que je rencontre mon frère, c'est plus dur de dire des conneries à son sujet. Quand je me souviens de ce que lui est venu, envoyé par Dieu pour me parler de la grâce, c'est plus dur de chialer après lui. Il nous envoie Paul. N'oubliez pas ça. Il dit, vous êtes venus dans le peuple de Dieu par grâce, hein, par la volonté de Dieu, en Jésus-Christ, et vous êtes entrés dans son peuple, et vous êtes le peuple de Dieu. C'est ça qu'il va dire un peu plus loin. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas peur de leur dire qu'ils sont des enfants de Dieu, puis pourtant ils ont une vie. Que moi et vous, si on les verrait dans l'église à manger comme ça, on se poserait la question s'ils sont sauvés. Probablement qu'on parlerait contre eux autres et qu'on chialerait. Mais Paul leur dit, vous faites partie du peuple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Verset 2, il dit que ce sont les sanctifiés. À ceux, il écrit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Le mot sanctifié veut dire quoi, là? Ils ont été rendus saints. Hein? Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Vous avez été mis à part du restant du monde. Dieu vous a choisi. Mettons, il y a 50 personnes. Dieu t'a pris et t'a mis à part. Dieu t'a sanctifié. Et le mot dans le grec, c'est un verbe au temps composé. Ça veut dire que c'est une action qui a été faite une fois pour toutes et qui va ne jamais être répétée. Ne va jamais être répétée. Vous avez été, c'est passé, passé composé, vous avez été sanctifié. Et le verbe est au passif, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Dieu vous a sanctifié. Vraiment intéressant de penser ça. Vous avez été sanctifié par Dieu une fois pour l'éternité. Fait que je n'essayerai pas de vous rendre saint. Vous êtes saint. Ah, c'est fantastique. Quand tu vas voir quelqu'un, ne pense pas que tu vas le rendre plus saint. Là. Il est déjà saint. Il est déjà saint. Il a été sanctifié par Dieu. Il ne sera pas sanctifié par vous. Il a été sanctifié par Dieu. Et il dit, sanctifié, appelé à être saint. Le mot, c'est, vous avez ceux qui ont été appelés. Donc, ils ont été sanctifiés après avoir été appelés. Et encore une fois, c'est le même verbe au passé composé. Au passif, ce qui veut dire, Dieu vous a appelé à être saint. Et le mot peut être traduit, vous avez été choisi à être saint. À tous ceux qui invoquent en tout lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le... Vraiment, il n'a pas dit « et le mien ». Mais en bas que les Corinthiens avec lui, « le nôtre ». Il dit « le Seigneur Jésus, c'est votre Seigneur comme le mien ». Il les met avec lui, il s'identifie avec eux autres. Vous êtes des gens qui ont été graciés, des gens qui ont été sanctifiés, des gens qui ont été appelés à être saints. C'est des gens qui sont sous la seigneurie de Jésus. Savez-vous que c'est un privilège d'être dans la seigneurie de quelqu'un? Là, on a chanté, les trois premiers chants disaient, on a chanté à plein poumon, notre roi, mon roi, mon roi. On a dit ça peut-être 20 fois, mon roi. Ça veut dire que je suis sous la seigneurie de quelqu'un. Et c'est un privilège d'être dans la seigneurie d'un bon seigneur, d'un bon roi. Parce que vous avez dit, il n'y a pas toujours eu des bons seigneurs et des bons rois. Hein? Il dit, vous avez eu le privilège, dans sa grâce, de venir sous. Et parce que ici, il n'est pas en train de parler d'une façon plutôt obéissez à votre Seigneur. Mais il dit le privilège que vous avez de l'avoir comme Seigneur, le privilège que vous avez d'être conduit, protégé. Parce que le rôle du Seigneur, c'était de protéger tout son royaume, de garder son royaume contre tous les intrus. Je ne sais pas si vous avez vu le film 3, mais quand les Grecs arrivent. Oui. Quand les Grecs arrivent pour attaquer la ville de Troie, hein, tout le monde en dehors de la ville court se réfugier, se mettre sous la protection du roi avec son armée. Parce que l'ennemi arrive. Et nous, on est rentré dans la ville. Et c'est la même illustration, vous savez, de la ville sainte dans l'Apocalypse. Les gens qui sont rentrés dans la ville sainte. Hein, parce que là, ils ont la protection. Ils sont en train de dire ça ici. Vous êtes des graciés, vous êtes des privilégiés, vous êtes des appelés, vous êtes des sanctifiés, vous êtes des sujets du roi. Il est grand, mais il est meilleur, vraiment dans la position qu'ils sont. Et il dit, vous êtes des gens très, très spéciaux. Hein? Très, très spéciaux. N'oublions pas, quand nous approchons les gens de se souvenir de ça, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai parlé avec un pasteur et j'ai dit, je trouve ça triste. J'ai dit, tu parles de la femme de Dieu, de la femme de Jésus. Et de la façon que tu en parles, je ne voudrais pas que tu parles de ma femme comme ça. Souvenez-vous de ça, quand vous parlez d'un frère ou d'une soeur, vous êtes en train de parler de la femme du Seigneur Jésus-Christ. Wouhou! Et il entend tout ce qu'on dit. Et des fois, on ne glorifie pas. Vous savez, si vous parlez de ma femme, je ne me choque pas à cause de ma femme. Je me choque à cause de moi. C'est moi que je veux défendre, pas ma femme. Parce que si tu parles contre ma femme, tu es en train de dire à moi hein, que j'ai une mauvaise femme, et donc moi aussi, c'est pas correct. Automatiquement, c'est désastreux comme un impact dans la vie, dans notre vie personnelle et dans la vie de l'autre. Donc l'apôtre Paul, il dit, c'est par grâce que vous êtes devenus le peuple de Dieu. Deuxièmement, et c'est par grâce qu'ils sont comblés de richesses. Allons voir le verset 4 jusqu'à 7. 4 jusqu'à 7. Je rends grâce à mon Dieu continuellement à votre sujet pour la grâce que Dieu vous a été, qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente que vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, il dit ici, je rends grâce continuellement à Dieu pour vous. Ça devrait être notre attitude envers les gens, que nous voulons aller voir, que nous voulons aller parler. Mais ce n'est pas tout à fait ça que j'ai fait, que je fais. Je continuellement, ma vie rend grâce à Dieu pour vous, de la grâce que Dieu vous a accordée. Et ça, ça nous met en bonne perspective envers les autres personnes. Et absolument, les gens concrétisent. C'est assez rare qu'en même temps, on rend grâce à Dieu pour eux autres. On a tendance à pas faire ça. Et Paul ici, je pense qu'il est en aide. Je pense pas qu'il est en train de mettre de la fine, là. Bon, je vais lui compter un petit peu de mandrie, mais il flatter un petit peu afin de qu'il accepte mon reproche. Hein. Vous avez déjà entendu dire ça. Il n'a pas peur, là. Il n'est pas en train de donner les fleurs, parce qu'il va tirer le pot, hein. Vous avez entendu ça. Ouais, j'ai rentré des fleurs, mais le pot va arriver, ce ne sera pas long. Parce qu'on est en train de dire que la personne nous donne des fleurs parce qu'elle veut nous dire quelque chose. Hein? La femme m'avait déjà dit ça. Bon, tu m'as fait un compliment, qu'est-ce que tu as à me dire? Vous avez déjà fait ça? J'avais la même raison, je m'en venais avec quelque chose, là. Mais j'ai voulu préparer le terrain un petit peu. Et quand on fait ça, puis quand l'autre ne s'en rend pas compte, ça marche. Mais quand l'autre s'en rend compte, on est dans une situation encore pire, parce qu'on est en train de manipuler, là. Mais Paul ici, je pense qu'il dit la vérité. Il dit, je rends grâce continuellement à Dieu pour vous. Pas parce qu'ils sont des bons chrétiens. Pas parce qu'ils vivent toujours correct. Pas parce qu'ils sont bien obéissants. Il dit, je rends grâce parce que Dieu vous a accordé la grâce. Donc, il rend grâce à Dieu d'avoir fait grâce aux Corinthiens. Mais en même temps, c'est pas lui aussi. Il faut toujours se souvenir qu'on n'a aucun droit, maintenant parlant d'aller reprendre quelqu'un. On n'a aucun droit. Nous y allons parce que Dieu nous a fait grâce et on veut aller aider à quelqu'un que Dieu a fait grâce aussi. On n'a aucun droit. Tu peux s'approcher là et dire, moi je suis correct, toi tu ne l'es pas. C'est là que vient le vieux dicton, pas toujours dit avec sincérité, mais c'est 50-50 quand on chicane souvent. Non, parce qu'à quelque part, on réagit. Ma mère disait tout le temps, c'est pas moi. Ma mère disait, ça prend toujours deux personnes pour se battre. Quand il n'a rien qu'un, il ne se bat pas longtemps. Mais quand on se bat, c'est parce qu'à quelque part, il y en a deux qui se battent. Si on veut que la bataille ne se perpétuera pas, sinon il dit, ben moi, je jette les armes en terre et je ne bouge plus. Et puis finalement, l'autre va décompresser un peu. Il dit, vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole de la connaissance. Ici, c'est pas tout le monde qui comprend un texte pareil, mais l'apôtre Paul dit, vous avez été comblés, encore une fois, au passé, vous avez été comblés une fois, c'était fait dans le passé, c'est pas à se reproduire, et vous avez été comblés, c'est un verbe aussi au passif, donc il y a quelqu'un qui a comblé les Corinthiens. Il y a quelqu'un qui a comblé les Corinthiens de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Qui a fait ça, vous pensez? Mais c'est Dieu. Hein? On sait bien que c'est Dieu. Dieu dit, Dieu vous a comblé de grandes richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. Et il y en a qui disent ici que les Corinthiens avaient de grands dons de prophétie et le don des langues. Donc Dieu dit, vous a comblé beaucoup au niveau de la connaissance. Dieu vous a donné des grands dons. C'est la preuve que Dieu est avec vous. Dieu vous a déjà reçu des grands dons de la part de Dieu. Le verset 7 dit, ne vous manque aucun don. Ici, le mot aucun don au singulier, mais on se demande s'il est en train de parler des dons spirituels. On pense que oui. Quelque part, il ne vous manque aucun don. Vous avez dans votre église tous les dons que vous avez besoin pour fonctionner. Le don d'enseigner, le don de miséricorde, le don de compassion, le don de servir. On va voir un peu plus loin, il va tout en parler au chapitre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il va parler des dons, là. Il y en a des dons, les Corinthiens. Il y a des dons de miracles, il y a des dons de chasser les démons. Il y a toutes sortes de dons dans cette église-là. C'est une église qui a été comblée, Paul dit. Il vous a comblé de tout ça. Quand? À la conversion. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Pensez-vous que Dieu va les enlever parce qu'ils ne font pas correct encore? Mais non. Lui, il n'enlèvera pas les dons. Ils les ont reçus par grâce. Donc, ils ne les enlèvera pas parce qu'ils ne sont pas gentils, non? Parce que, premièrement, s'ils avaient pu être gentils pour les avoir, on n'aurait même pas eu. Donc, il dit, Vous êtes des comblés. Vous êtes des gens très spéciaux. Vous êtes des gens que Dieu a aimés beaucoup. Vous avez regardé tous les dons qu'il vous a donnés. Tous les dons que Dieu vous a donnés. Toutes les capacités. Il dit, vous êtes comblés. Il dit au verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc, il dit, il y a des gens parmi vous qui ont une grande connaissance, qui ont des grandes capacités, qui ont reçu des grands dons de Dieu et qui vous ont donné une grande connaissance. Le témoignage de Jésus-Christ est bien, bien installé chez vous. Paul va dire ça autrement dans l'église d'Éphèse. Il va dire, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien, je n'ai rien caché. Je vous ai tout dit ce qui concernait Jésus-Christ. Vous êtes comblés. Le mot comblé, ça veut dire quoi? Hein? Plein, plein. Avez-vous déjà essayé de mettre quelque chose par-dessus une cuillère comblée? Qu'est-ce que ça fait? Ça tombe au côté. Tu peux pas. Quand c'est comblé, tu ne peux pas en mettre plus. Il dit, vous êtes comblé de richesse. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin, vous avez tout ce que vous avez à avoir. Moi, ça me dit quelque chose. C'est que tu n'as rien d'autre à recevoir. Tu n'as rien d'autre à recevoir. Tu as tout reçu déjà. Et comment est-ce qu'on peut-tu oublier ça souvent, les frères et sœurs? On a tout reçu ce qu'on avait à recevoir le jour qu'on a été sauvé. Vous n'en recevrez pas d'autre? Vous n'en recevrez pas d'autre? Mais, oh, il faut donc passer tout le temps de notre vie et toute l'éternité à découvrir ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu est tellement grand. Mais il faut découvrir ça. Mais il faut se rappeler, quand on va voir quelqu'un, que l'autre a reçu autant que nous. On n'en a pas plus que lui. Il n'est pas moins comblé que nous, là. Il n'a pas reçu moins de richesse que nous, là. Mais si, il a reçu du Seigneur toutes ses capacités, ses dons et ces choses-là qu'il a reçues. Il dit, mais toi, je n'ai reçu autant comme toi. Mais toi, le Saint-Esprit comme toi. Mais toi, le Temple de Dieu comme toi. Il n'y a pas moins que toi. Souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on pense qu'on est meilleur que l'autre. On se mesure dans nos petites règles qu'on s'est mis. Moi, je vais à l'église plus souvent. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne cours pas. Moi, on se mesure. On se dit, ah, moi, je suis meilleur que l'autre. Et là, quand aussi qu'on pense ça, qu'est-ce qu'on fait? On approche du haut, puis on abaisse là. C'est automatique. On fait même avec les inconvertis. On ne devrait pas le faire. Mais on fait même avec les inconvertis. Ça, c'est tout le monde méchant. Fait qu'on approche du haut comme ça. Il y a une femme qui m'a appelé hier. Une femme que j'ai rencontrée il y a 10-12 ans, la dernière fois. De l'Ontario qui passait par ici parce qu'elle s'en allait à Québec, puis elle a trouvé de coucher ici parce qu'il y a eu de mauvais temps. Puis là, elle m'appelle, et pendant une heure, je dis dans la famille, je suis épuisé. Excusez-moi. Il vient de parler à quelqu'un qui m'a juste dit des conneries pendant une heure de temps. Elle parlait de tout le monde pas correct. Parce qu'elle, elle pensait qu'elle était correcte. Elle pensait qu'elle était meilleure que vous. J'irai jamais chez eux, ils fument. J'irai jamais chez eux, ils fument. Elle dit, moi, je ne parle pas d'endurer ça pour moi qui fume. Un chrétien qui fume, elle dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vois-tu? C'est peut-être vrai qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec elle aussi, mais elle ne le voit pas. C'est vrai. Moi, je dis tout le temps, je prends ta loupe, regarde-moi, tu vas trouver tous les points noirs que tu vas vouloir. Hein? Tu vas en trouver même plus que tu vas en vouloir, puis tu vas en voir que moi, je ne vois pas. C'est vrai, si tu me regardes dans la loupe, tu vas tout voir ça. N'oublie pas de te regarder dans le miroir aussi. Prends ta loupe, regarde dans le miroir, tu vas voir autant de points noirs aussi. On oublie ça. On regarde là et on dit, oh, tout ce qu'il y a dans cette vie qui ne marche pas. C'est vrai, tu sais, tu vas en trouver des affaires qui ne marchent pas. N'oublie pas de regarder dans la tienne aussi avant de partir. Je dis ça, là. Avant d'aller voir quelqu'un, prends un bon miroir pour regarder pendant une bonne demi-heure, spirituellement parlant. Après ça, tu vas t'y voir là. Tu vas t'y voir l'autre après. Et tu vas voir, ça va changer toute l'approche. Ça va te faire sous la grâce. Oh, je partais de se dire que moi, je fais tout le temps ça. Loin de là. Loin de là. Je ne fais pas tout le temps ça, mon nom. L'Épître aux Corinthiens est autant pour moi que pour vous. Troisième, on termine avec cela. Versets 8 et 9. Quelqu'un veut le lire? Tu beau, ce qu'il dit là, à une église si croche. Il dit, je suis convaincu que mon Dieu va être fidèle envers vous, et je suis convaincu que vous allez être irréprochable pour le jour du Seigneur. Je suis convaincu que tout va bien finir. Voyez-vous comment c'est intéressant? Il leur dit, vous avez commencé par grâce, et je suis convaincu que ça va finir par grâce. Donc, entre les deux, là, vivons donc sous la grâce encore. Vivons donc sous la grâce pendant qu'on est ici. Ça a commencé sous la grâce, ça va finir sous la grâce, parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a, il dit ça quand, aux Philippiens, hein? Je suis convaincu, ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera pour le jour du Seigneur. Il est convaincu, pas. Il n'y a aucun doute. Parce que s'il doute que l'autre, Dieu ne fait pas pour l'autre, qu'est-ce qui arrive? Il doute pour lui-même. S'il n'est pas convaincu que Dieu va le faire pour les autres, il n'est pas convaincu que Dieu va le faire pour lui. Mais je suis convaincu que Dieu va regarder le frère ou la sœur, ou moi-même, même quand je me regarde dans le miroir, puis que je me vois toutes sortes de points noirs, je suis convaincu par la foi que Dieu va m'emmener à être irréprochable pour le jour du Seigneur. Il est fidèle. Il ne va jamais me lâcher en cours de route. Il est fidèle, notre Dieu. Le mot fidéi, savez-vous ce que ça veut dire? C'est le mot croyant. Hein? Quand on dit je suis un fidèle, ça veut dire je suis un croyant. Puis ici, le mot, c'est intéressant parce que c'est comme Dieu croit. Dieu croit. c'est Dieu qui croit. Dieu est un. Il croit à ce que lui va faire. Il croit à ce que lui va dire. Il croit à son engagement. Il croit à ses promesses. Lui, il va le faire. Lui, il croit en lui. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Moi, je t'ai tellement trouvé positif, Paul, ici. Tellement trouvé positif. Hein? Si on regarde ça, on pense que c'est une belle église. Une belle, belle église. On n'a aucun problème avec cette église-là. Jusque-là, verset 10, ça va commencer à noircir un petit peu. Mais jusqu'au verset 9, on dit, quelle belle église! Une église formidable! Sauvée par grâce! Plein de talents, plein de dons, comblée de toutes les richesses du Seigneur! Sanctifiée, appelée, vivant sous la... On peut vous mettre tout ce qu'on voudra. Et Dieu est dans leur milieu, et Dieu est fidèle, et Dieu va les affermir. Ils vont un jour être parfaits comme Jésus. Pensez-vous que ça ne change pas la situation? Une fois, il y avait une femme, j'allais voir un psychologue avec ma fille. Ce moment, ma fille, on avait dit à s'entendre. J'allais voir un psychologue avec elle. Elle dit, monsieur Nollet, elle dit, si vous pourriez voir dans votre tête votre fille à 20 ans, ça serait bien moins dur aujourd'hui. Parce que ce que vous voyez comme problème, là, ça va tout se régler tout seul, ça m'en aime. C'est des problèmes de jeunesse, puis vous ne les acceptez pas. Comprends? Je voulais que ma fille se marche comme une chrétienne, puis elle n'était pas. Ça avait des problèmes. Je vivais comme quoi, là? J'étais haut de même, mon gars, puis elle était en bas, puis tu as dit que je marche de chat. Elle était mauvaise, puis elle ne faisait pas de affaires correctes, puis elle, et moi, j'étais un bon chrétien, là. Fait que moi, là, comment ça? Là, elle sait ce qu'elle voulait dire. Elle parlait humainement, elle ne pouvait pas parler spirituellement, parce qu'elle n'était pas chrétienne, cette femme-là. Et c'est où ce qui est arrivé? Quand ma fille a eu 18 ans, c'était bien vrai. Tout s'est classé. Tout s'est placé. Humainement parlant. Si je peux voir que toi, un jour, tu vas être parfait comme Jésus-Christ, ça va changer ma relation aujourd'hui avec toi. Je vais ma relation avec toi aujourd'hui. Ça va faire que je vais t'approcher autrement. Avec espoir qu'un jour, tu vas être bien correct. Tout va t'arranger. C'est une bonne chose pour moi. Bonne chose pour moi. Je peux regarder à ma vie d'aujourd'hui et voir toutes sortes de problèmes dans ma vie personnelle, puis de le dire avec conviction. Pas je suis fidèle, mais Dieu est fidèle. Il va m'affermir. Ça veut dire quoi, ça, affermir? C'est le mot ferme, hein? Ferme. Affermir. Il va me rendre fort. Tu ne vas pas te rendre fort. C'est Dieu qui va me rendre fort. Dieu va m'affermir. Il dit, Dieu est fidèle et il vous affermira. Il vous affermira. Là, il parle à tous les chrétiens de Corinthe, toute la gang. À tous ceux qui sont là. Il leur dit, Dieu vous affermira. Jusqu'à la fin. Mais je crois que si j'avais été un Corinthien et que Paul m'avait dit ça, ça m'aurait prédisposé à écouter ce que Paul avait à me dire. Ça m'aurait prédisposé à écouter ce qu'il avait à me dire. Parce que Paul n'est pas en train de douter de moi, il n'est pas en train de me comparer avec lui, parce qu'il il a, tout le long, il dit quoi? Nous, vous, hein, nous, vous. Il s'est mis dans le même plein que les autres. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et les fois que j'ai eu le plus de succès quand j'ai repris les gens, c'est quand j'ai dit, nous avons un problème. En disant ça, oups, ça nous met sur le même pied d'égalité. Nous avons un problème. Et là, les gens se voient comme tu te mets égal à eux autres. Et ils sont plus prêts à écouter parce que nous avons. Hein, dans un couple, quand on dit « nous avons un problème », c'est mieux que « tu as un problème ». Si tu dis « tu as un problème », habituellement, les baillettes montent dans les airs. Le combat commence. Tu m'en donnes un, moi, t'en donnes un. On se met sur notre garde, hein? C'est ce qu'on appelle la garde. Hein? La garde, c'est on se protège, je passe sur ma tête. Mais si je peux dire, non, je baisse la garde, nous avons un problème, parce que, vous savez, comme moi, on n'est pas parfait. Le conjoint n'est pas parfait. Donc, automatiquement, on a des problèmes tous les deux. Jésus dit, aime ton prochain comme tu aimerais être aimé toi. Donc, ça veut dire que je veux que tu agisses par moi. J'ai dit à ma femme une fois, tout ce que je souhaite, c'est que tu vives avec moi dans la grâce de Dieu. Juste par la grâce de Dieu. Je sais que je ne suis pas facile à vivre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai dit, vis avec moi dans la grâce. Et je vais vivre avec toi aussi dans la grâce. Si on vit comme ça, la vie est plus facile. C'est pas le paradis. La vie est plus facile. Comme je l'ai déjà dit une fois, j'avais dit à ma fille, qui m'avait demandé, donne-moi des conseils, papa, là, pour me marier, donne-moi des conseils, là. J'ai dit, apprends à pardonner et apprends à être tolérante. Elle dit, c'est ça qui va réussir le mieux, ton mariage. Elle dit, c'est pas très positif. C'est pas très romantique. 2 ans après, elle nous voit, elle dit, t'avais bien raison. Ça prend beaucoup de grâce et de pardon. Beaucoup de grâce et de pardon. Tout le temps, constamment. Parce que l'autre, il va mourir pécheur. Il va mourir pécheur. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il va avoir besoin que je lui pardonne à tous les jours de sa vie. Et je vais être capable de lui pardonner tous les jours si je comprends qu'il doit me pardonner aussi, à moi, tous les jours de ma vie. Et là, on tombe sur les pieds d'égalité. Vous allez voir que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il va tout au long de l'Épître. Paul va être très, très humble dans sa présentation. Lui qui était ravi au 7e ciel, au 3e ciel. Au 7e ciel, c'est une expression québécoise. Lui qui était ravi au 3e ciel, il va se mettre au même pied d'égalité que les autres. Tout le temps, il va toujours se mettre là pour que les gens acceptent ce qu'il va dire. Tout le temps. Et ça peut nous aider dans nos relations familiales. Là, ça commence, vous voyez combien on vit souvent. Avec, de parental aussi pour nos enfants. Et dans notre église, avec les inconvertis. Et ça peut nous aider à vivre comme ça. Dans la grâce du Seigneur. Dans la grâce du Seigneur. Je suis un gracié, et toi aussi, tu es un gracié. Donc, automatiquement, on va pouvoir vivre ensemble en se pardonnant, en se comprenant. Je comprends, tu as de la misère? J'en ai tellement. Je comprends, tu je sais que tu as de la misère, j'en ai de la misère. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci pour cette introduction. Quelle belle introduction. Parce que tu parles pas juste aux Corinthiens, tu parles à nous aussi. Parce que nous autres aussi, on a été sauvés par grâce. Nous autres aussi, tu nous as envoyé quelqu'un. Nous autres aussi, tu nous as sanctifiés, tu nous as appelés, tu nous as accordé ta grâce. Nous autres aussi, tu nous as comblés de richesses et de dons. Nous autres aussi, tu as établi en nous le témoignage de Jésus-Christ. Nous autres aussi, on peut dire que tu vas nous rendre fermes, irréprochables pour le jour du Seigneur. Et que ça fait du bien. Ça fait du bien que tu nous dises cela. Donne-nous la grâce de le dire aux autres aussi. Et je crois fortement que c'est ainsi que nous allons les motiver à marcher avec le Seigneur. C'est ainsi qu'ils vont nous motiver aussi à marcher avec le Seigneur. Et on te demande aussi, Seigneur, que dans nos relations cette semaine, quand on va parler des inconvertis, quand on va parler des gouvernements, quand on va parler de nos familles, que les gens qui vont nous entendre, ils vont entendre quelqu'un parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la patience de Dieu pour eux, comme pour nous. Nous te prions et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever, si vous voulez bien. On va chanter un dernier cantique. On va dire ensemble... Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.